radio sur la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, il est 22h05 exactement. On est un petit peu en retard. Désolé les gars, Jounes n'est toujours pas arrivé, donc j'ai décidé, comme ça sur le fil, d'envoyer tranquillement l'émission. Donc ce soir, on est avec Purple Vision. Purple Vision Studio ou Purple Vision ? Purple Vision, ça va. Purple Vision. Ouais. Ok. Donc Purple Vision, c'est, comment on peut dire, des vidéastes du coin, des clipmakers, des réalisateurs. Des réalisateurs, en préférence. Ouais, ouais. Des réalisateurs. Ok. Donc, en attendant que Jounes arrive, Purple Vision m'a envoyé 2-3 sons qu'ils ont bien kiffé. Donc, on va commencer l'heure tout doux avant d'envoyer les questions avec les sons que vous avez kiffé. Donc là, la première que j'avais sous la main, c'était Leto Trapstar sur le projet Trapstar. Le 1, ouais. Ouais, le son, il est trop terrible. Si. Donc, je propose de balancer ça tout doux et puis après, on fait rouler l'émission tranquille. De toute façon, on a 2 heures, on est là jusqu'à minuit, comme tous les jeudis. Donc, cool, c'est bon. Cool, ou pas tranquille. Ok. Je me défonce, je vois mes regrets, papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille, j'enfile mon défaut, j'ai pas besoin de watt. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Plus de dinero, moins de temps, je suis dans le coupe et toi ouvrant. On te coupe en morceaux si tu te louvres, j'remplis mon cop, mais je suis déjà ivre. Et cette chaudasse te la mise, tous les haters, je vous tends ma teub. Y'a plus rien, faut que j'appelle mon plug. Et tu perds tes couilles devant le gang. J'aimerais que leur mensonge devienne réalité. Le prix du kilo vient juste de baisser. Plus de respect les petits rétis sur les anciens. Elles préfèrent quand ça les parents albins. Mon cœur restera vide jusqu'à la fin. C'est la merde, on est dans le crime parce qu'on a faim. Tu connais jusqu'au bout, on y les fait. Ya. Je me défonce, je vois mes regrets. Papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille. J'enfile mon téléphone, j'ai pas besoin de watt. Dinero, maman, j'rentre à la maison, j'ai rodé toute la night. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai mon ennemi. No, big, caga, rempli de cash. J'me prends pour Rodos dans mes nages. Si t'es pas prêt, tu laisses ta place. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai mon ennemi. No, big, caga, rempli de cash. Ghetto chic, j'allume mon spliff. Comme si tout ça n'était qu'un rêve. J'vais pas rétiner par eux. Big, gars, c'est libérable. Fais toi et tes collègues en civil. Casse-toi le rein, t'es n'est pas libre. Je la cuisine, je la fous dans le mixeur. Z17, j'oublie pas les petits frères. Je suis défoncé, je reconnais personne. La haine sur le corner est devenue hardcore. Les contentions finissent d'une balle dans la jugore. La haine sur le corner est devenue hardcore. Je me défonce, je vois mes regrets. Papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Plus de dinero, maman, j'entre à la maison, j'ai rodé toute la night. Je passe mon quotidien à ravitaille. J'enfile mon téléphone, j'ai pas besoin de watt. De dinero, maman, j'rentre à la maison, j'ai rodé toute la night. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai mon ennemi. No, big, caga, rempli de cash. J'me prends pour Rodos dans menace. Si t'es pas prêt, tu laisses ta place. J'ai pas besoin de ton aide, j'ai mon ennemi. No, big, caga, rempli de cash. J'me défonce, j'vois mes regrets. Papa ne sait pas que son fils devient une trap star. Radio sur la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Ok, on a commencé tout doux avec Trapstar de Leto. Pourquoi Trapstar de Leto d'ailleurs? Vous kiffez. C'est quoi que vous kiffez chez Leto, vous? C'est son flow, il a trop le flow. Et en mêlée, il est trop fort. Hein. Ah, c'est une dinguerie, Leto. Depuis le début en plus. Hein. Ouais. Ça tue trop chaud. Un peu. Ouais, à l'époque c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et puis là, nous, Trapstar 2, là, c'était une tuerie. Mais tu sais, il a commencé à péter maintenant, tu vois. C'est pas... ouais. Mais à l'époque, il était pas trop reconnu et tout. Puis... Et non, encore, je sais même pas s'il a vraiment la reconnaissance qu'il mérite. Franchement. En vente, en tout cas, il fait pas trop de ventes, quoi. Ouais. Vous suivez, bien genre les ventes du rap français, tout ça, ouais, tout ça. Ouais, de ouf. Ouais. Ouais, ça. Ça vous intéresse bien. Ouais, ou... bah tu sais, le rap c'est une passion, tu vois, avant tout maintenant. C'est. Et vous êtes que rap ou vous pouvez entre guillemets vous ouvrir à d'autres styles musicaux ou vous êtes vraiment rap rap à mort? Bah en vrai on est à fond rap, tu vois, on est à fond rap. Après s'il y a un projet pas rap qui peut nous plaire, pourquoi pas, tu vois, mais en vrai rap franchement. On aime bien les sons latino, les trucs comme ouais, ça. Ouais, moi je kiffe les sons latino. Ouais, les sons latino, les bails comme ça, c'est un kiff. OK. Mais en dehors de ça, pourquoi pas, après, tiens, faut essayer, on sait jamais, ça peut être intéressant. Mais rap avant tout, quand même. Ok. Rap avant tout. Très, très rap. Jones. Ça fait longtemps que vous avez commencé? Je sais pas, hein. C'est toi, tu. Hein? C'est non, toi, ça fait longtemps que t'es arrivé. Moi, je suis là, tu connais. tu connais. Jones qui est avec moi tous les jeudis, depuis le début. Voilà, plus ou moins à l'heure. Là. À l'heure angolaise. L'essentiel, c'est de participer, on t'a dit. Hein. Voilà, c'est vrai. Donc, petit récap pour les auditeurs qui viennent d'arriver. On est bien sur Radio Sud 101.8, radiosud.net. Ce soir, l'invité ou les invités, c'est Purple Vision. Donc, réalisateur, clipmaker, réalisateur. Ouais, réalisateur. Okay. Réalisateur byzantin. Ou pas. Ouais. Byzantin. Ouais, ouais. Avant tout. De Besançon? De Besançon. On est à la Besançon, base, ouais. Les trois de Besançon. Même si maintenant, on travaille de moins en moins sur Besançon, tu vois. Yes. Mais ouais, on est de Besançon et puis on le revendique. Ok. Cool. Alors, moi j'ai fait vite fait, vraiment 2-3 petites recherches sur vous. Donc j'ai commencé par le YouTube, évidemment, la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent un peu visionner leur travail, voir un peu ce qu'ils font. Attends, je te coupe. Déjà, oui. Parce que bon, je suis arrivé en plein milieu, on dirait. Est-ce qu'on sait qui ils sont déjà? Ils ont déjà dit c'est eux-mêmes. Non, en fait, ce qu'on a fait là, comme t'étais un peu à la bourre. Non, j'étais à l'heure. ils m'ont envoyé une liste de sons qui kiffent, tu vois. Je l'ai vu, ouais. Donc, on a passé Leto Trapstar en premier, tout cool. Ouais. Et après, en fait, toi, t'es arrivé et là, on commence, tu vois. Ah, ok, donc c'est bon, j'ai rien loupé. T'as rien loupé. Vas-y, c'est bon, vas-y, prends le. C'est bon, je peux prendre le relais. Vas-y. Donc sur YouTube, la chaîne YouTube, donc vous me dites si je me trompe, c'est Purple Vision, tout attaché, studio plus loin. Purple. Ouais, c'est ça. Purple Vision. Voilà. Plus loin studio. Vous avez 12 clips sur votre chaîne, sachant qu'il y a plusieurs artistes qui mettent les clips directement sur leur chaîne à eux. Ouais, c'est la difficulté. Ouais. La majorité même. Ouais, la plupart de toutes nos réalisations, c'est sur leur chaîne à eux, tu vois. Ok. Parce que justement, j'allais vous demander, en gros, comme ça, déjà, depuis quand vous êtes Purple Vision? Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date? Est-ce que... Depuis juste 3 mois. Ok, donc 3 mois. Parce qu'en 3 mois, tu vois, je me dis, 3 mois, il y a déjà 12 clips sur votre chaîne. Et on va dire en globalité, comme ça, une fourchette, vous avez réalisé combien de... Une trentaine. Ouais, franchement. Okay. Même plus, je crois. Mais ouais, avec les petits freestyles. Ouais, facile, autour de 30. Ouais, une bonne trentaine. Et après, il y a les freestyles Insta, les petits trucs comme ça, mais ouais, facile 30. Faites quoi, vous êtes les trois sur le montage ou chacun fait son montage? Non, les rôles, ils sont... je sais pas, vas-y, ben, les rôles, c'est... là, on a Victorien, il va se charger de... avec Louis. Donc, ils vont se charger du cadrage, de la réalisation, des montages. Ouais, toi, t'es figurant. Comment? Toi, t'es figurant. Ah, mais je suis figurant. je suis souvent figurant. C'est toi qui t'es pris un coup de pression par Black Lee? Ouais, c'est lui. Je peux pas en parler aussi. Non, vas-y, il est grave chaud. Non, je viens de me réveiller. T'inquiète. Non, mais moi après, je m'occupe plus du côté commercial, tu vois. Puis il y a un peu aussi le côté gestion parce que ça commence. Tu vois, il faut commencer. Qui c'est qui fait les montages? C'est les deux aussi. C'est les deux. Côté commercial, du coup. Ouais, moi je m'occupe beaucoup du côté commercial et gestion. Ouais. Qu'est-ce que t'entends par côté commercial? Tu vas démarcher des mecs? Commercial, en gros, je vais m'occuper de ce qui se passe avant le clip, tu vois. Je vais m'occuper de... Parce que chaque artiste, il est différent. Il y en a, ils sont en mode, on s'en fiche, tu vois. Donc, ils arrivent, on fixe une date, on se trouve à la date et on fait ça. T'en as d'autres, ils ont besoin de plus de préparation, tu vois, ce qui est normal. Donc, ça passe par des appels, par des fois des rendez-vous. On a eu des rendez-vous aussi et puis voilà, quoi. Et il y a aussi, vu qu'on commence à avoir des clips qui ont de plus en plus de budget, il faut commencer à louer des voitures, réserver, je sais pas, des restaurants comme on a déjà fait. Réserver des chambres d'hôtel, des trucs comme ça. Ouais, on a loué des limousines, des trucs comme ça. Ça va vite et puis voilà, ça ça prend pas mal de temps aussi. Okay. Okay. Est-ce que j'ai grillé une de tes questions? Entre autres, mais ouais, ça va. Non, je peux rebondir, t'inquiète. Vas-y, rebondis. Je rebondis. Vas-y. Avant d'être Purple Vision, est-ce que chacun de votre côté, vous réalisiez des clips ou est-ce que en fait, vous êtes retrouvés les trois en disant ben, venez, on fait de la vidéo? En gros, moi, ça fait genre après un an, genre un peu moins, même 9 mois que j'en fais. Okay. Et avec Louis, on a commencé ensemble aussi. Mais Louis, il en faisait un peu moins. Il était plus sur l'école. Yes. Ouais, j'avais mes études. Vous êtes frères? Non. Là, tout le monde le dit. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Mais ouais, ça va faire une petite année que chacun de notre côté, on fait quelques petits trucs, des clips, des petits trucs. Puis après, les trois, on se connaît de base depuis longtemps. Ouais, nous, on est ensemble depuis. On a toujours eu ce projet depuis. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Ouais, 20 ans aussi? Ouais, 21. Ok, vous avez arrêté l'école? Ouais, là, on a arrêté. Enfin, Victorien, il a arrêté il y a un an. Victorien, ça fait déjà un an, il a arrêté l'école bah, pour se mettre dans les clips. Tu faisais quoi? Moi, j'étais en école de communication en marketing à Paris. Ok. Et Louis? Bah, moi, j'ai arrêté là cette année. J'ai fini l'année dernière une licence en sciences. Ouais. Excuse-moi. Voilà, donc, totalement différent, mais... Voilà. Ouais, puis moi, je viens de finir là en juin. J'ai fini GEA, c'est un DUT de gestion. Okay. J'étais voilà. Et puis, ok, donc la vingtaine depuis 3 mois en équipe, c'est ça. Équipe. Équipe. Après, on se connaît depuis très longtemps. Ouais, tu vois, on se connaît. Puis même moi, au début, tu vois, en juin, puis ça a été lancé en juin, je crois, mi-juin. Ouais. Et au début, moi, j'étais même pas en France, tu vois. Je suis arrivé, ça a commencé un peu sans moi, puis je suis arrivé. Je suis arrivé fin juin, début juillet. Puis à partir de là, ça a commencé vraiment à... Tu vois, on voulait vraiment être carré, faire un truc vraiment propre. Okay. Parce que souvent, tu vas sur des réals, tu vas sur des clips, des street clips, tu vois, c'est un peu à l'arrache, c'est pas fait. Mm-hmm. Nous, on essaie d'être carré, tu vois. Mm-hmm. On essaie d'être propre et puis... Non, on va en parler de ça. Vas-y. Ok, donc là, si je me connecte sur Instagram et que je veux vous trouver, je tape quoi? Purple Vision Studio. Ouais. Purple Vision Studio, tout attaché? Tout attaché, ouais. Ok. Purple. Est-ce que vous avez un Snapchat commun ou non. Chacun a son truc et... On n'est pas trop sur Snapchat, tu vois. Enfin, de notre côté, tu vois, mais on pas le côté professionnel, tu vois. Le côté pro, on est plus sur Insta. Ouais, c'est là qu'on va voir des gens, des marchés ou qu'on se fait des marchés. Snapchat, c'est pas très pro, c'est plus personnel. Ouais, pour délirer, quoi. C'est vos délires à vous. C'est notre truc, quoi. Okay. Et la petite question, Asbin et Facebook? Oui, ça has been. Ouais, c'est mort un peu Facebook, je t'avoue. Pas de Facebook, hein? Non, pas de Facebook, pas de page ou pas de trucs comme ça. Je crois qu'il y en a une, mais. Il doit y avoir zéro j'aime, je crois. Ouais, je crois, il n'y a rien, mais genre on l'a fait pas du tout. On reste même pas dessus. En même temps, le public qu'on vise, je t'avoue, il n'est pas trop sur Facebook. Okay. Enfin, y en a peut-être quelques-uns qu'on perd à cause de ça, mais la plupart, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est mort. Ça, c'est ton avis, hein? Ouais, je parle pour moi. Je parle pour toi, c'est clair. Ok, donc une trentaine de clips en 3 mois, c'est un bon ratio. Hein. 10 par mois. Ouais, ça va, on est un peu fier. Ça fait, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et pareil, j'ai vu là depuis quelques temps, il y a eu la chaîne qui s'est ouverte, Purple Vision Daily. Donc. C'est quoi, vous avez ouvert en gros, une nouvelle catégorie? Ouais, en gros, on commence à faire un peu des making-of, à partager les coulisses en fait, d'un tournage. Et par exemple, là même aujourd'hui, on va faire sûrement un making-of de la radio. Ok. Yes. Oh, ah oui, t'étais pas au courant. C'est quoi qui filme là? Ça, on sait pas. La petite caméra. elle est posée depuis tout à l'heure, là. Bah, attends, on l'a commencé. Ça filme pas, là, ça. Mais, ouais, en fait, on a envie de s'ouvrir, tu vois. Ouais. Nous, on kiffe les clips, on kiffe ça, et puis, mais on a envie aussi de s'ouvrir à d'autres choses. Puis je pense que ça peut nous amener d'autres choses, tu vois, de faire ça. Si, si. Puis c'est intéressant parce que chaque tournage est différent. Chaque tournage, il y a des galères. Chaque tournage, il y a des bons trucs, mais en général, il y a beaucoup de galères. Et c'est cool de faire partager ça. Je pense que ça peut être intéressant. Puis... J'ai vu un peu votre make-off. Enfin, j'ai vu un peu. Non, j'ai regardé de A à Z le making-off. D'habitude, les making-off, c'est. Il est. Comment dire ça? Là, on voit quasiment pas l'artiste dans votre making-of. J'ai pas eu l'impression de vraiment de participer au clip. J'ai plus participé à votre journée, à vous, en fait. Ouais. C'est ça la direction ou vous êtes trompé du truc en disant... Non, c'est un peu la direction qu'on vise, un peu. C'est vraiment montrer ce qu'un réalisateur, il va vivre en gros une journée de Ouais, c'est montrer un peu notre taf, tu vois. Est-ce plus que l'artiste. Après, ils tu vois, ont pas mis making-of du clip de KXR, machin, tu vois. Ils ont mis making of d'un clip de rap. Ouais, voilà. Puis tournage, sur le tournage d'un clip de rap. Ouais, c'est ça. Okay. Puis après, tu vois, on met les réseaux de l'artiste toujours et tout, mais c'est votre life. On essaie quand même un peu de se mettre en avant, nous, tu vois. Mm-hmm. Parce que c'est souvent. Ce qui est normal, tu vois, quand il y a un clip, c'est le nom de l'artiste qui est dessus, c'est le travail. Mais... Ah, voilà, mais après, si façon tu voulais de se mettre aussi. Il fallait faire du rap, toi, tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est pas trop ma spécialité, tu vois. Non, mais en tout cas, j'ai vu que, bon, même au niveau. Visibilité, les vues, tout ça, en fin de compte, même vous, votre making of, à vous, a fait même plus de vues que certains artistes qui étaient sur votre chaîne Purple Vision, tu vois. Ouais, ça veut dire aussi qu'en fait, ça développe peut-être. Il y a peut-être une demande, tu vois, quelque chose. Ouais, je sais ou pas, peut-être mais... que c'est un autre public qui vous regarde et qui vous regarde avec un autre œil aussi. Tu ouais, vois. C'est ça, tu vois, parce que ça, c'est ce qu'on se dit, ça peut peut-être amener un autre public, tu vois. Puis le truc, c'est que si nous, on a de la visibilité, nos artistes auront de la visibilité automatiquement, tu vois. Donc, ça on peut emmener quelque chose. On peut débattre là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Non, je suis totalement pas d'accord avec toi. Ah ouais, ouais. Explique-nous. Explique-nous, non, parce dit, que... Si toi, t'as de la visibilité, tes artistes, enfin, les artistes pour qui t'auras fait des clips auront de la visibilité. Pas spécialement. Alors, parce que ça se trouve, il y a des personnes qui sens. Veulent voir que votre, vous, votre envers du ouais, décor. Mais vous, on s'en bat les couilles. Pas... T'inquiète. Il vient de se réveiller. Je vais pas donner de nom. Non, mais je suis cool là. Non, mais je vous le dis. Non, mais par exemple, tac, j'aime bien regarder votre making-of à vous. Puis vous faites un clip avec d'un mec éclaté que je m'en bats les couilles. Je vais pas regarder son clip, hein, même si je vous aime bien. Ouais, mais tu vas regarder le making-of Purple Vision. De suite, tu vas être peut-être intrigué par ce qu'on fait, tu vois. Et oui. De suite, tu iras voir même... peut-être un clip, tu vois. Et bien de sûr. Suite, ça va apporter une mais visibilité, tu comprends si, c'est dans ce sens-là. Si par exemple, tu fais un clip à Chao et que je. C'est de la merde. Je vais pas aller voir son clip. Tu m'amènes pas forcément. Dans quel sens mais ce qu'on veut dire, c'est que parmi tous ceux qui vont regarder le vlog, il y aura forcément un pourcentage de gens qui iront regarder le clip. En fait. Même s'il est minime en soi, ça va quand même apporter un minimum de visibilité, tu vois. Quelque okay. chose petit, peut-être. Okay. Mais ouais, c'est ça. Puis même, tu vois, même si le making-of, comme tu dis, il est éclaté. Genre... Non, pas le mec. Non, c'est pas, ah non, c'est pas ça que tu as compris. Le clip est éclaté. J'aime bien vous. J'aime bien Purple Vision. Ouais. Donc je vous suis dès qu'il y a une publication, je vais regarder. Purple Vision Daily. Je vais regarder tous les jours. Si tu fais le clip d'un rappeur éclaté, je vais pas forcément aller regarder le rappeur. Ouais, pas ça. Forcément. Après, si tu vois un peu l'envers du décor, tu vois, peut-être que ça peut intriguer, tu sais, on sait jamais. Ça peut peut-être te poser des questions, de dire ouais, c'est comment le rendu, qu'est-ce que ça a donné. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça peut. Je pense que c'est toujours positif. Puis en vrai, on. Voilà, on essaie juste d'apporter quelque chose. Mmh, final, bien sûr, c'est pas. C'est bah, pas là, on non, mais t'inquiète, hein, on tranquille. Mais ouais, voilà, on essaie de se développer comme on peut. Et puis, ok. Puis, ouais, c'est vrai que ça a été bien reçu, je trouve. Enfin, franchement, dans l'ensemble, nous, on n'a pas été. Nous, on a été surpris, nous, parce que, tu sais, c'est un peu. C'est nouveau. D'habitude, ouais, bah, c'est... d'habitude on met notre travail en avant, tu vois, ouais. Avec les clips, on met surtout leur travail à eux en avant. Et là, c'était plus vraiment notre travail, même s'il y a un travail de montage derrière, hein, avec des effets, des choses. Mais c'est aussi notre image à nous, tu vois, qu'on met en avant. Ce qui est différent des clips, parce que dans les clips, c'est l'image du rappeur qui est mise en avant. Et c'était une expérience cool. Même, on en a déjà un deuxième qui va arriver d'ici peu. Un deuxième qui est prêt, et le troisième d'aujourd'hui, quoi, voilà, plus tard qui va arriver. Et puis en plus, maintenant, ça devient intéressant, parce que on commence à avoir des clips de plus en plus intéressants, même pour nous, tu vois. Donc je pense que ça peut être aussi plus intéressant pour les gens. C'est quoi un clip plus intéressant pour toi? Un clip qui va, par exemple, avoir plus de budget, genre tu pourras faire plus de choses et ça sera forcément plus intéressant. Puis tu peux ramener plus de choses, tu peux ramener, je sais pas, des voitures, des filles, tu peux... Puis même après, t'as la notion aussi de budget, mais t'as aussi des clips avec des artistes un peu plus connus, ça c'est plus intéressant, les gens sont plus intéressés que, tu vois, bah, aussi avec le budget, tu vois, ça joue aussi beaucoup. Ok. Bah d'ailleurs, en parlant des artistes, moi j'ai regardé forcément en bon chauvin, en bon franc-comtois. J'ai regardé et bon, je vois KXR, je vois EDRF, je vois DRK, je vois Gore. Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à n'importe quel artiste bisontin? Ou est-ce que vous avez, je sais pas, une par exemple, telle génération, ou alors plus les jeunes, ou alors plus les anciens, je sais pas, tu vois. Ou est-ce que c'est n'importe quel artiste qui se ramène et qui dit « Bon, moi, j'ai un clip à faire, j'ai envie de le faire avec vous. » En fait, peu importe. Est-ce que vous faites une sélection de artistes locaux ou pas ? Locaux et pas locaux, d'ailleurs. En vrai, on reste ouvert. Mais c'est vrai qu'on aime bien s'entendre avec les gens avec qui on travaille, c'est normal. Mais après, pour l'instant, non, on fait pas forcément de sélection, quoi. Tant qu'on voit que c'est carré, on sait que ça va bien se passer. En tout cas, tu vois, la sélection, elle est pas locale du tout, tu vois. On vise pas, on va pas dire, il est byzantin, ça nous intéresse pas, tu vois. Non, c'est plus l'univers de l'artiste, voir déjà si on peut faire quelque chose avec lui, parce que pas tous les artistes avec qui on peut faire, je pense. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, mais ça, tu le vois dès le début. Enfin, ouais, déjà, ils sont pas intéressés par ce qu'on fait, quoi. Ouais. S'ils sont intéressés par nous, on sait que ça va sûrement matcher. Hein. Ouais, c'est du donnant-donnant, quoi, en gros. Tu sais que si le mec, il vient te chercher, c'est sérieux ou pas, quoi. Ouais, voilà. L'idée, c'est de faire des gens qui sont... Nous, on veut avoir une osmose avec les artistes, tu vois, histoire de... Donc, c'est quand même un moment, le tournage. Puis derrière, il y a le montage et tout, tu vois, c'est quand même quelque chose, donc... Donc, juste, j'ai une question là qui découle tout naturellement. Vous validez toutes les musiques que vous avez clippées ? Ouais. Tous les sons ? L'univers, en tout cas. Non, je te parle d'un son. Je parle pas de l'univers, je parle de son. En vrai, on mytho pas ici. Au début, j'ai déjà clippé des gens que j'aimais pas, mais au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Ok, t'as pas répondu à ma question. J'ai déjà clippé un son éclaté. Ok. Ouais, c'est bien. C'est honnête. Ok. Je vais pas te demander de prénom, on n'est pas là pour ça. En parlant de nom, j'ai vu. En fait, moi, je vous ai découvert. J'ai découvert. Bah, avant KXR, il y avait le clip de Mouska. Mmh. C'est ça ? Vous étiez sur un tournage sur Mouska, tout ça. Ouais. Et en fait, moi, de base, je vous dis un peu mon anecdote. De base, le mec, je le connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Et en fait, j'enregistrais avec mon équipe. On enregistrait dans le même studio, au Mur du Son, dans le 91. On m'avait parlé de toi d'ailleurs là-bas. Ah bah voilà. Et en fait, une fois, j'ai vu un freestyle à lui, je crois. Il était là-bas. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur vous. Et j'ai vu que vous, en fait, vous faisiez des trucs avec lui et avec des mecs de chez nous. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai capté. Après, j'ai vu KX. Et je dis, mais wesh, ils sont doux, en fait. Toi, je comprenais pas trop, tu vois. Et après, j'ai regardé. Après, je suis tombé sur toi. Je suis tombé sur Victorien. Que je regardais un peu les vidéos, machin, je voyais que, tu vois, Gras, il était un peu en connexion avec toi. Je dis, mais c'est qui ça, tu vois? Et ça m'a intrigué. Comment vous passez de un gars du 91 à, je crois, il y avait des fois des mecs de Lyon, c'est pas Lyon? Ouais, Lyon aussi. Ouais, sur Lyon, Besançon. Alors, vous faites comment, en fait? En gros, moi, je faisais mes études à Paris. Du coup, j'avais un peu des contacts là-bas. Ouais. Et Louis, il faisait ses études à Lyon. Du coup, il avait des contacts à Lyon. Et on vient de Besançon, on a grandi ici, tout ça. Et du coup, ouais, c'est comme ça, quoi. Ok. C'était... Bah, d'ailleurs, je fais un petit big up à KXR qui est avec nous. Ouais, KXR, tu veux passer un petit mot là ? Je vais placer un bail. Toujours ici, toujours là, toujours présent. Voilà. KXR, hein, qui a fait partie de nos tout premiers à venir dans l'émission. D'ailleurs, qui répond toujours présent aux événements, je le vois. Bien joué. Ce que je vous propose, vu qu'il est là, 22h28, je vous mets quoi ? Lil TK, Lil Uzi Vert. Lil TK Ransom. Ouais, allez, Lil TK, vas-y. On se fait celui-là. Yes, la 25e, on est toujours là sur Radio Sud 101.8, radiosud.net. C'est la spéciale Purple Vision ce soir jusqu'à minuit. On va enchaîner direct avec Lil TK Ransom. J'espère qu'il va pas y avoir une dinguerie de pub ou de je sais pas quoi. Mais on est toujours là, il n'y a pas de souci, on se débrouille. Purple Vision jusqu'à minuit, restez branchés, chaud. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, I ain't done. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone, they see me blowing up, now they say they want some. I got two twin glocks, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a banner. I got two thick thighs, wanna link the game. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I am alone. Me a diorider, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I stung. I wanna Hop outside a ghost and hop up in a Phantom. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin vibes, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a band. And I got two thick thighs, wanna link the game. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a Phantom. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin glocks, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a band. And I got two thick thighs, wanna link the game, yeah. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. 5e, la 25e, on est toujours là jusqu'à minuit avec Purple Vision. C'était le son de Lil. C'était qui ça? Ransom? Lil TK. Ouais. Bon, je vous avoue que je suis pas très très à la page. Les sons US, tout ça, je. Vraiment, en ce moment, je suis. Hein? T'es bloqué à Tupac. Non, même pas, hein, même pas. J'essaye de m'intéresser, même rap français, tout ça, mais. Vous connaissez MC Hammer? Ah, c'est vieux, hein. Non. Moi, je connais pas. C'est vieux. Ça, c'est vieux, de... ouais, bref. Mais c'est propre. Lil TK, donc, moi, question rap US. Allez, je vais regarder Victoria en premier. Ouais. Un artiste rap US là comme ça que t'as saigné ou que tu saignes fort? Bah Lil TK. Lil TK, oh, facile. Lil TK, Trippy, ça. Trippy Red. Ok. Faut que j'en dise d'autres encore ou... Je sais pas, comme t'as. Il va faire une liste de 30. Lil Uzi, Lil Yachty. Ou des Lil quoi, tu vois. Lil, ouais. Lil okay. Skive. Ok. Louis. Ouais. Gunna, il est trop chaud. Ouais. Après Lil Baby. Ouais. Tous les Lil. Ouais, voilà. C'est les enfants de Lil Wayne de base, hein, les mecs. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Ok. De base. Bah, moi, je valide tous ceux qu'ils ont dit. Je kiffe. Je rajoute juste Blueface parce que je kiffe de ouf le délire. Okay. Et Chief Kif aussi. Sa prof de ouf. Et puis, ouais, Blueface. Chief Kif aussi à l'ancienne. Moi, j'aime okay. beaucoup. Et Smurda aussi. Ouais. Hot Smurda, c'est. C'est Bobby Shmurda. Bobby Shmurda, ouais, ouais. Ça, je kiffe de ouf. D'ailleurs, il va sortir bientôt. Ça fait un moment que t'as pas entendu de son de lui, là. Hot Nega, il est trop bien. Je kiffe. Mais là, on dirait que c'est des. Enfin, là, les rappeurs qu'ils ont dit, là. C'est les. C'est la nouvelle génération. Ouais, mais du rap. C'est du petit rap, vraiment, tu vois. C'est du rap de Yanks pour moi, je trouve. Wow. Ah, il veut nous attaquer, là. Ah, il attaque là, trop. Là, il s'est chauffé, là. Non, les mecs, j'ai bu un gorgé et tout ça. Non, après, c'est. Les man, t'inquiète. Vous avez donné votre avis, moi je dis mon avis. T'écoutes quoi toi? Je trouve genre. Que c'est du rap de Yanks. Moi t'écoute... si je te fais écouter ce que j'écoute, tu vas partir. T'écoutes quoi genre comme artiste? J'écoute pas beaucoup de rap, mec. Ah ouais? T'écoutes quel son? J'écoute tout sauf du rap, 5% de rap. Ah ouais? Si tu veux, après je mets ma playlist après. Vas-y en vrai. Ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. Non, voilà, je disais juste que ouais, je trouve que c'est du rap petit, du rap de Yanks. Après, ça va avec leur génie, tu vois. C'est le rap, actuel, Jounes. On est plus. On est en 2019, tu vois ce que je veux dire. On peut parler de rap actuel, mais quand même, allez. Et après, ils ont après, vintage, hein, ils ont j'ai une question. J'ai une question, c'est quoi ta définition de rap de Yanks? Ouais, c'est quoi toi, en vrai de vrai. On inverse les rôles maintenant. Après, tu veux que je dise rap de. Tu veux que je te dise réellement ce que c'est rap de Yanks? Ouais, ouais, ouais. Un rap de Yanks, c'est pour les personnes qui. Vas-y. Tu vois, c'est pour les. Ouais, ça y est, toi. laisse-moi dire, tu vois. Non, je trouve que, tu sais, c'est mis du rap pour les personnes qui connaissent pas vraiment le rap de base, tu vois. Ouais. Et puis qui sont intéressés au rap, c'est de la merde, quoi, au rap de merde, en fait. Pourquoi? Parce que le toi t'es en mode rap à l'ancienne, full. Pas du tout. Ah, pas du tout, je t'ai dit si tout à l'heure. Si tu savais ce qu'il écoute, c'est... Ouais, voilà. C'est du coup, je sais pas, parce que tu dis rap de merde, mais t'écoutes pas vraiment de rap. Ah, mais si on peut, si tu veux parler de rap avec moi, on peut parler. Non, bien sûr, mais oui. Mais moi je trouve honnêtement, je trouve ça beau ce que devient le rap. Je trouve c'est cool le mélange qu'il y a. Ouais. C'est tout le rap US, rap, même le rap français, je trouve c'est cool les mélanges qu'il y a maintenant. Je trouve ça apporte quelque chose de propre. De propre. Puis c'est ouais, je trouve c'est intéressant de travailler là-dessus. C'est ça évolue après, c'est normal. Hein. C'est plus du rap. Comme avant, c'est plus les paroles qui triment, c'est le flow, les mélodies. Ouais, okay. C'est ça. Moi, autant écouter du Chopin. Ouais, il est chaud. Y a pas de paroles, y a des mélodies. Là, on te parle de rap là. Ouais, bah non, mais là, non, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit dans le rap, c'est plus les paroles qui comptent. Bah, enlève les paroles et écoute des instrus, tu vois. Pareil. Ouais. Non, après, ils ont dit qu'il kiffait bien les bails latinos aussi, tout ça. Tu vois. Ouais, ok. Pas mais ouais, là, on parle cool. De plus rare. Ouais, ok. T'as pas donné ta définition. Ouais, c'était une petite définition aussi. Hein. Ouais, une petite si tu veux, mais c'est du rap de. Je peux pas trop le dire à l'antenne, pas... je peux vous le dire. Ça va. Je peux vous le dire en hop, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème, tu vois. Mais pas le dire à l'antenne. Mais toi, t'as jamais écouté, par exemple, merde. Lil Uzi Vert, tout ça. Je vais te dire que je suis open. Ouais. Je suis open, j'écoute. Avant de juger un truc, j'écoute, tu vois. Même les pires mecs de Besançon, tu connais. J'écoute tout le monde avant de dire que c'est de la merde, tu connais. Non, j'ai déjà écouté tout ce beau monde, mais vas-y, tu vois. Ouais, t'accroches pas. C'est pas ouf. Quoi. Moi, je pense que c'est une question de génération. Hein. Ouais, je pense aussi. Chaque génération, c'est assez book, tu vois. Je sais pas, tu vois. C'est pour ça que je dis, j'essaye de. Ah merde. Ah. J'entends pas. Ouais. Merci. C'est vrai. Voilà. Donc on a une intervention de Van Dutch. Voilà. C'est là il y a un breaker qui est avec nous. Voilà. C'est la minute Vandy, la minute trap. C'est la minute Vandy. C'est un nouveau chroniqueur. Un nouveau chroniqueur. Écoutez-moi, Besançon, nana, les breakers, les breakdance, les tout le bordel breaker. Le rap, avant c'était bien. Maintenant c'est venu bien par rapport aux gens qui sont bien. Les gens qui sont pas bien sont pas bien. C'est tout. Merci. Merci. D'ailleurs, en passant, il y aura des danseurs qui viendront dans l'émission. Tout ça, c'est prévu. Mais ce soir, c'est en mode clip. On est en mode clip ce soir. En parlant de clip, j'avais une question, moi, au niveau un peu plus spécifique, matériel, tout ce qui est, je sais pas, caméra, appareil photo, vous bossez avec quoi ? On va dire que là, vas-y, on est tous des spécialistes, vous allez nous parler comme des réalisateurs, vas-y, on est tous des réalisateurs, là. Ouais. Vous travaillez avec quoi ? Nous, on est sur un GH5, c'est un petit boîtier quoi, c'est pas des gros trucs, mais aujourd'hui c'est ce qui se fait quoi pour le clip. Ouais. Des petits trucs comme ça, c'est super performance quoi. Yes. Puis, donc GH5, ouais. c'est plus caméra ou plus appareil photo ça ? En fait c'est les deux, mais c'est beaucoup utilisé pour la vidéo quoi. Mais ça marche pour les deux, mais beaucoup pour la vidéo. Ok. Et vous bossez que avec ça ou vous avez d'autres appareils, d'autres... Ça se bute au GH5. Ouais, après, il y a les objectifs qui vont avec. Nous, il y en a un qu'on aime bien, c'est le Sigma 1835. Pour ceux qui connaissent. Ah, je connais, lui. Ouais, bah, okay. Voilà. Et en niveau stabilisateur, on a un Ronin M et un Zion Crane 2. Voilà, ça c'est vraiment pour les spécialistes. Et un drone, on a un Phantom 3. Ok, ok. Et vous bossez sur quel logiciel ? Au niveau du logiciel, on est sur Final Cut et After Effects aussi. Ok, oui, voilà. J'ai vu que vous commenciez un peu à toucher tout ce qui est animation, tout ça. J'ai vu un peu dans le making of là de KX. Ouais. Les petites vagues qui arrivent, les petits machins. Est-ce que, je sais pas, tu vois, dans 2-3 ans, vous serez là en mode réalisation que de trucs en mode un peu BD ou j'en sais rien, tu vois, film d'animation ou. Est-ce que ça vous tente ça, ce genre de délire? Ouais, après c'est un taf à part entière aussi, hein. c'est différent quoi. Donc, okay. Ça nous attire, mais après il faudra voir si on peut vraiment se mettre dessus et s'il y a de la demande. Ok. Donc, mais c'est un vrai taf. Donc moi là je vais te parler en tant que gars qui connaît pas du tout la vidéo. C'est quoi la différence entre Final Cut et je sais pas y a quoi comme autre Première Pro, c'est Adobe. Première, c'est quoi les différences des Windows Movie. Ouais ça je sais, ça je vois, ça j'arrive à le maîtriser, tu vois, mais c'est quoi les différences entre les logiciels? Il y a des trucs que tu peux faire, que tu peux pas faire, c'est quoi? Moi je dirais c'est comme Adidas et Nike. Hein. Ouais. Ah ouais, ça dépend des logiciels, mais je connais, par exemple Premiere et Final, c'est comme Mac et Windows, quoi. C'est ça, question de confort d'habitude. Après After Effects c'est différent, c'est plus effet et tout, tous les trucs comme ça, mais après une fois que t'es à l'aise. En vrai moi je trouve que Final Cut c'est plus simple d'utilisation. Ouais. Mais tu peux faire moins de choses par exemple qu'avec After Effects, tu vas plus être limité, mais c'est plus facile de le faire. Après After Effects c'est pas un complément justement? C'est un complément de Premiere, mais tu peux aussi tout faire, mais c'est galère de tout faire dessus. Ok. J'avais une autre question. Vous êtes formé à la vidéo ou vous avez tout appris vous-même? Les tutos YouTube, hein. Oh, on est on est autodidacte. Sérieux? Ah ouais. Ouais, ok. Bon. Tu sais, moi je m'attendais à ce qu'il y en ait un genre qui ait commencé un peu une formation, non, je sais pas parti, quoi. Non, même pas. C'est parti, okay. Ouais. C'est... On a appris comme ça sur le tas. On... Ok. Enfin, moi je dis ça, mais je monte pas du tout, tu vois. Mais... Ok. Donc 20 ans, pas de formation, 30 clips en 3 mois. Je trouve que c'est pas mal. Vous voyez comment là, dans un an? Parce qu'en 3 mois, vous avez déjà. Déjà, je pense qu'on aura fait pas mal de clips. Et je pense qu'on aura fait pour des mecs connus. Ouais. Je pense. Pardon, vous aurez fait quoi? Qu'on aura fait beaucoup de plus de clips, ouais. Et qu'on en aura fait pour des mecs connus. Ah ok. Pour des mecs avec. J'ai pas entendu c'est... mecs connus. Quand je pense qu'on dis... aura fait genre au moins un mec qui a fait 1 million de vues. Okay. Enfin, peut-être que je m'avance, mais je pense pas. On verra. Ce serait l'objectif. Ouais. Non mais vaut mieux se fixer des objectifs ça que tu vois être là en mode. C'est bien. Question. T'as arrêté l'école. Vous faites. Ouais, excuse Kaïk, je viens de l'apprendre. voilà, 20 ans, vous avez arrêté l'école, vous faites que ça. À 20 ans, on a des besoins, vous vivez de quoi? De ça. Vous arrivez à en vivre à 3? Ouais, on arrive. Okay. Et après, on espère que plus tard, on en vivra encore mieux, tu vois. Mais on arrive déjà à en vivre. Ouais. Vous habitez ensemble? Non, pas vraiment. D'accord, enfin, vous arrivez à dégager 3 salaires? Ouais. Quand je te parle de salaire, c'est minimum 1002. Ouais. Okay. C'est bon ça. Non, mais c'est bien. C'est bon bien. Ça. Ça, bah, du coup, je voulais en parler plus tard de ça, mais. Ouais, je respecte pas ton truc. C'est. Bah, les couilles. Comment je pourrais formuler? Parce que, est-ce que vous avez des tarifs fixes ou pas? Est-ce que vous voulez parler de tarifs ou. Est-ce qu'on en parle que en DM ou tu vois? On peut en parler sans rentrer dans les détails. Ouais. Une fourchette, quoi. Si par exemple, demain. Je viens, je vous contacte, je dis ce week-end, si vous avez un temps, j'ai envie de faire un clip en mode vas-y, on fait 2 scènes. Là, que vous me faites un montage. Un petit freestyle comme Gore. Voilà, un exemple. Freestyle comme Dimension. Ah, comme le comme Dimension. Voilà, par exemple. Comme le freestyle Dimension, par exemple. 200 euros. Ce sera 200 euros, vraiment le minimum. Mais vraiment le minimum. Okay. Ouais, vraiment le minimum. Et non, le minimum, tu filmes quand même. Tu vois, ouais, non, mais tu filmes. Pas juste tu prends le son. Ouais. Si on fait quelque chose, on le fera toujours bien en fait. Sinon, ça sera le faire. En vrai, on essaie vraiment de. Ce qu'on rend avant tout, ça nous plaît. Ouais. tu parlais des sons, des trucs, mais en tout cas, ce qui touche à la réalisation, non. Le visuel, si on le rend, c'est que ça nous plaît. Ok. Après, ça plaît aussi à l'artiste parce qu'on voit que l'artiste valide ou non. S'il valide pas, on retouche, on travaille. Mais avant tout, ça nous plaît. C'est pour ça qu'on travaille. On n'envoie jamais quelque chose qui est en dessous de ce qu'on peut faire. Étant donné que je te coupe, que toi, tu touches pas à la technique, enfin, tu montes pas. Non, non. Est-ce que des fois, tu leur dis « Ah, les mecs, vous cassez les couilles, c'est de la merde. » La vérité, c'est que on est trois et on a les trois un avis, des fois, souvent différent, même souvent proche. Mais les trois, on s'écoute, on travaille les trois ensemble. Je pense que c'est important parce qu'on est jeunes. C'est important de s'écouter. Puis on veut faire un truc, c'est concret, c'est pas juste un délire comme ça de s'amuser. Du coup, si je dis quelque chose, les deux ils vont m'écouter. Comme si Louis dit quelque chose, nous on va l'écouter. Comme si Vic dit quelque chose, on va écouter aussi. Après, c'est sûr qu'en termes de montage, ils ont plus de crédibilité que moi, vu que moi j'y connais moins. Mais... Sans parler de ta crédibilité ou de. Mais, de ton poids le côté, de critiquer leur travail. Vu que t'es loin du truc, tu peux servir le truc. Après, c'est le côté artistique, tu vois. C'est plus si quelqu'un d'entre nous il dit quelque chose. Moi, par exemple, si je dis que c'est vraiment pas très beau, on va en discuter, tu vois. Bien sûr. Tu t'arrondis les angles, toi, tu dis c'est pas très beau. Tu dis c'est de la merde. C'est de la merde. Bah, entre nous, je le dis, bien sûr. Voilà, je parle bien, mais. Non, après, entre nous, c'est normal, tu vois, on se parle franchement, honnêtement, après... Vous prenez la tête des fois sur des rendus et tout, genre, y en a un qui kiffe et l'autre qui kiffe pas. Pour l'instant, pas vraiment, c'est des petits... Et vas-y, tu rends fou, vas-y, ouais, ça, c'est peut-être arrivé, ça arrive. Mais après, c'est des petits débats, tu sais, c'est des petits détails. Au final, le rendu visuel, il nous convient aux trois, au final, c'est des petits détails, ouais, c'est des... Je pense qu'il y en a un qui ferme sa gueule quand même. Parce que pour que ça convienne à trois personnes. Non, je te jure, non. On n'est pas. Parce que on n'est pas comme tous comme toi. Non, mais on peut prendre un clip. Non, en vrai, on prend un clip. On prend les mêmes rushs. Toi, tu fais un montage, toi, tu fais ton montage. Vous aurez jamais la même chose. Il sera complètement différent. Bah ouais. Donc, comment un truc peut plaire à trois personnes ? Mais après, tu peux faire différemment et genre kiffer les deux versions en fait. Ok. Si la vision c'est la même, je pense que... La purple. Le truc c'est que on essaie pas d'écraser notre vision par rapport à l'autre, tu vois. On s'écoute les trois et puis c'est sûr que si t'en as deux qui disent que ça c'est vraiment wow, enfin c'est vraiment nul. Bien sûr, là tu te remets en question un peu, tu vois, on en discute. Même pas du 9 mais Non mais c'est bien de c'est faire la traduction seul, en même temps parce que... Et mais ouais, autrement non, en tout cas ouais, pour l'instant tout nous convient, en tout cas ce qui est sorti, personne n'a fermé sa gueule comme tu dis. Okay. Personne n'a avalé sa salive. Est-ce que vous avez des modèles de réalisateurs, que ce soit clip ou ça peut être film, hein, n'importe. Hein. Ouais, sur les clips, en vrai en France il y a Kizzy, celui qui fait les freestyles au KLM. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais. Après Rumsub aussi, qui a fait les. C'est Kaza lui, il a fait. Ouais, il a fait tous les Kaza. Et. Comment? Comme ça, il a recréé une esthétique un peu genre avec les néons violets, c'est un peu lui qui a lancé le délire en fait. Ouais, ça nous a pas mal inspiré ça. Après au stade, sinon Cole Bennett, Il fait pas mal de trucs aussi. Il est inspirant. Puis Cole Bennett, c'est plus que ça réalise, que ses clips, c'est aussi son business plan. Genre ouais, c'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire son business plan. En gros, c'est-à-dire qu'il a tout posté, tous ses clips sur sa chaîne directement, et s'il avait pas fait ça, il n'en serait pas où il en est aujourd'hui, tu vois. En fait, tu vois ce que tu nous disais du fait de la visibilité et apporter de la visibilité à tes artistes. Moi, je trouve que, enfin, même ce que je trouve, c'est... Par exemple, Cole Bennett, il a un niveau maintenant où c'est limite lui qui apporte de la visibilité à certains artistes, tu vois, il les fait monter lui. Okay. Donc, ça, c'est hyper intéressant. C'est un... Oui, il a autant de notoriété que des... l'artiste qui... Bah ouais, même il plus. Est... Okay. Et maintenant, il a vraiment un impact. Et puis... Et là, on voit la plupart de la nouvelle génération qui arrive aux États-Unis. Cole Bennett, il en a lancé pas mal quand même. Ok. Lil Pump, Lil TK, c'est aussi lui. Lil TK, Blueface. Ouais, Blueface. Ouais, il en a lancé trop. Hein. NL Choppa aussi, ouais. Ouais, Choppa. Question. Ouais. Moi, j'avais une question. Vas-y, vas-y. Je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, Booba. Tout ça, tournage de clips. Est-ce que vous êtes déjà fait Hagar? C'est fini mal. Non. Est-ce qu'ils sont déjà fait Hagar? Non, c'est pas ça que la question. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous faire tirer dessus pour un tournage de clip? Pour Booba? Ça dépend qui c'est. Je sais pas. N'importe quel artiste. On va dire que vas-y, vous avez un artiste. C'est les trois, vous le validez fort. Ça fait longtemps que vous voulez le clipper. Maintenant, vous allez le clipper. Oui, il kiffe les questions comme ça. Ça commence un peu à déborder, tout ça. Les gens, ils ont un peu bu, je sais pas quoi, tu vois. Et vas-y, il y en a un, il commence à pétarder sur tout le monde. Tu vois. Est-ce que t'es prêt, toi, à prendre une balle pour ton. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à ce que Louis ou Axel prennent une balle. Moi, non. Non, c'est vrai. Toi, tu les fous devant. Ouais, pareil. Okay. Non, bah, en vrai. Chacun se fout devant. Tu vois, l'histoire avec Chris Macari et tout. Après, t'as vu Booba et Chris Macari, ça fait longtemps qu'ils travaillaient ensemble et tout. Moi, je connais pas. Je suis pas dans leur truc. Je parle pas avec eux et tout. Mais après, c'est pour un artiste comme ça que c'est toujours compliqué, tu vois. T'arrives sur un lieu, tu te fais tirer dessus, c'est compliqué. Après, c'est un artiste qu'on travaille depuis très très longtemps. Bah, je la prends, la balle, c'est pas grave. Ça m'arrange. Je les arrange. Et en plus, c'est pas les mêmes budgets de clips hein, derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi. Mais ça, après, peut-être, tu vois, on sait pas. Ça se peut, dans 10 ans, ils seront là. Oh, tu vois. On sait jamais. Ils seront ouais, là. Mais... Ouais, ils, vont pas, ils vont pas se dire ah, Booba, je prends une balle pour toi. Non, non. Puis, en tout cas, c'est pas l'objectif, tu vois. C'est pas du tout notre truc. Je viens prendre une balle. Ouais. Moi, j'ai juste une petite question sur un effet. Le détourage, ça vous parle? Le truc là, ouais. Où tu commences là, tu sais, je commence à te parler là, puis je finis là-bas. Ça ouais, ouais. Vous êtes vous facturez au nombre de détourages que vous mettez sur les clips ou quoi? Non, non, non. Ok, non, parce que en regardant un peu les clips, prends l'exemple du freestyle de Gore. Putain, je me suis dit, wesh, ils ont facturé le nombre d'effets. Parce que tac, tac, vous enchaînez les mecs. Après, en gros, c'est en fonction de. Comment? De l'univers de l'artiste, en gros. On va définir des effets qui on pense lui correspondre. Oui. Et en fonction du son aussi, qu'on placera dans le clip en gros, mais c'est pas une question de tarif. Ou de... Cependant, j'entends ce que tu dis, en fonction de l'artiste, on va placer l'effet qui lui correspond. J'ai répété ce que t'as dit. Je sais ce qu'il va me dire. Ouais. Tu veux te dire quoi, vas-y. Sur l'autre clip de Gore, il n'y a pas cet effet-là. Non. Ah non, non, non. Ah non. Ah, oh, non. Il avait entendu. Il va dire en gros, il va parler de l'artiste. L'artiste aime pas les effets qu'on veut. Non, est-ce qu'on non, va... non, mais arrêtez. Non. Tu vas t'attaquer là. On dirait ma meuf. Je sais ce que tu penses. Alors, ouais, je sais ce qu'il va parler. Tu dis, tu mets l'effet en fonction de l'artiste. Vas-y, pars. Ouais, je check des passants. Vas-y, continue. Oui, donc il a dit, tu mettais l'effet en fonction de l'artiste. Ouais, non, mais je laisse l'orage passer. Tranquillou, je mets une petite musique d'attente. Donc tu mets l'effet en fonction de l'artiste. En gros, c'est ce qu'il a dit. Mais dans le, je prends juste pour exemple le freestyle de Gore, l'effet, il y est au moins 10 fois. 8. 6. Allez, 6. Ça descend vite, là. Non, franchement, on peut les compter. Ouais, je pense qu'il y a plus de 10 fois, ouais. Voilà, on peut le compter. Donc, tu sais, une fois que tu as mis l'effet, enfin. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça a de valeur à ajouter en fait de le mettre 4, 5 fois, 6 fois, 10 fois dans la même vidéo qui dure 1 minute 30, 1 minute, 2 minutes max? En vrai, c'est pour garder un truc homogène un peu. On va pas mettre 1000 effets différents, ça va être bizarre. Ouais. Quand on fait un effet, on essaie de le faire plusieurs fois dans le clip pour avoir un truc, un vrai univers quoi, en fait. Pas que ça part dans tous les sens quoi. Est-ce que justement ça fait pas partir le clip dans tous les sens? Moi je te le dis en tant que. Que spectateur, que moi je suis que spectateur. Je sais pas, mais après, la plupart de tous les clips que tu regarderas, que ce soit nous, que ce soit d'autres, les effets ils sont tous récurrents. Tu vois, c'est pour créer vraiment un thème, le clip de créer un thème, tu vois. Si tu pars sur un effet différent chaque fois, ça va être vraiment quelque chose. Ok, mais si alors je prends ça, je pense pas me tromper de beaucoup. Dans tous vos clips, il y a le même effet. À partir d'un okay. certain. Le détourage, la fin, tu sais, où genre le mec il est là, puis l'image d'après il est là, peut-être tu le vois, il s'appelle comment celui-là? Je connais pas le nom, mais on le fait de moins en moins. Oui, et, mais c'est des... Et même dans, par exemple, tu vois, on avait fait le clip de Gore, Dimension, le freestyle qui était moins travaillé, et une semaine après on a lancé le son de Dimension, et par exemple dans ce clip-là, tu regardes, il y a genre zéro effet, je crois, ou genre des petits effets, mais genre on a parfait cet effet-là, par exemple. Ok. D'accord. Après c'est vrai que c'est comme toute la scène, genre des fois t'as des effets un peu à la mode, un peu tendance, tu vois. D'accord. Qu'on peut retrouver souvent, mais tu vois, si le son s'y porte pas, on le met pas. Hein, Donc si je résume un peu ce que vous venez de dire, Purple Vision, c'est les mecs qui suivent le move en fait. Non, mais on est obligé de suivre un minimum en fait. T'es obligé de suivre une certaine tendance. Ouais, tu veux dire qu'il y a peut-être des effets qui sont plus has-been que. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais après, qu'est-ce que ça apporte de plus de. Ah putain, machin, il fait ça, ils font tout ça, vas-y, on le fait. En fait, ma question toute simple, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à un autre clipper? Selon vous. Pourquoi vous et pas un autre? Question d'entretien d'embauche, rien à deux. Non, c'est vrai, c'est quoi votre valeur ajoutée en fait dans le game? Pour notre vision des choses, je pense. La Purple Vision. Ouais, c'est ça. Ouais, ça part de là en soi. La Purple Vision, on a voulu apporter ça. Je pense que vous n'avez pas répondu à ma question. Mais vas-y, c'est bon. Tranquille, on va en reparler. Pourquoi Purple? Moi, je me posais la question. Est-ce que c'est la couleur des billets? Est-ce que c'est la ligne? Est-ce que c'est la ligne? Non, c'est pas ça. La ligne, on prend pas c'est ça. C'est pas la ligne. Non, c'est. Déjà, j'élimine. En vrai, nous, on trouvait que Vision, ça rendait bien. et on est allé sur un générateur sur internet. Mais on, non, on a essayé plusieurs trucs. Putain, on avait peur que vision, on s'est dit ah ouais, ça tape. Nous on est parti de vision parce qu'on voulait pas le dire parce que là je vais être sur votre dos. Ah non, mais là déjà que j'étais en train de dire vous êtes pas différents. Le dernier qui m'a dit ça, c'était O2S, les gars. Merde, putain. Je suis allé sur un générateur, j'ai tapé Portugal, ça m'a sorti un blaze. Post Malone aussi, il a fait ça. Post Malone, il a fait ça. Post Malone, il a fait ça. Post Malone, il a fait comme ça. Eh là, vous m'avez blagué là. Bah, on est parti de la base, c'était vision, puis parce qu'on voulait apporter notre vision, tu vois, puis voilà quoi. Après, okay. Sur okay. Un mot. Ouais, moi, je suis parti loin. Moi, je me suis dit, c'est que les gars, ils se mais les gens vont. Je sais pas quoi. Et genre on nous l'a déjà dit. Hein. Vision, je sais pas mais quoi. Nous l'a déjà dit. Du coup, je la pose sous un autre angle. C'est quoi votre vision? On voulait apporter une autre vision. Bah, la vision, tu vois, c'est qu'on veut faire les choses à notre sauce parce qu'on pense qu'on peut apporter quelque chose. Notre sauce, tu vois, genre, t'as vu le clip de KXR Palace? Le clip de KXR, pour nous, c'est quelque chose de différent. Le clip de KXR Palace, je peux t'en trouver 100 pareils. Je suis pas d'accord avec toi, puis même aussi les. Non, mais non, je pense que ça sert à rien. Puis il y a aussi les making of, les trucs comme ça. C'est ça notre sauce, tu vois. C'est un tout, tu vois. On apporte notre vision des choses. Bien sûr. Tu pars aussi dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'artistes, de rappeurs et tout. C'est la même chose, tu vois. Franchement, si on se met en défi, enfin, on peut se mettre un défi. Bon, pas demain, j'ai pas le temps. Mais je peux vous envoyer 10 clips pareils. Vas-y. Rap FR, rap. Le défi rap est pris. US. C'est parti. Le défi est pris. Bah oui, non, mais c'est ça. Donc c'est pour ça, moi la question c'est, moi, je pense c'est quoi que votre valeur ajoutée, c'est à, quoi votre vision à Besançon, si tu nous trouves un clip comme ça à Besançon, voilà. Sur Besançon, okay. Nous on part de Besançon, je pense que le clip pas là c'est une belle réalisation, moi j'ai kiffé le faire, c'était une tuerie. Le travail qu'il y a eu aussi pour le making of, ça c'est notre vision aussi, tu vois. Et je pense que le clip... Vous avez pas inventé le making of quand même. Non. Ouais, mais si tu pars de ce principe-là, tu fais rien. Tu personne n'a rien. Oui, bah bien sûr qu'on part d'une base. Dis, ce qui est normal de partir d'une base. C'est comme votre vision. Pour les effets, quand tu parles des effets à la mode, que tu dis qu'on est des suiveurs ou. Tu vois, le truc, c'est que c'est sûr qu'on part d'une base, tu vois. Ce qui est la mode, c'est une base en soi. Et après, tu apportes ta touche. T'apportes ta vision. Et après, il faut savoir que nous, ça fait pas longtemps qu'on fait des clips. Donc forcément, au fur et à mesure du temps, on va continuer à se trouver. C'est vraiment... pas une attaque, hein. Non, mais je sais. C'est pas une attaque, c'est vraiment... C'est un petit pic, mais tranquille, on le prend bien. Ah non, je rigole. C'est Purple Vision. Moi, c'est quoi la Purple Vision, en fait? C'est ça, c'est la ça ma question, vision, en fait. C'est un tout, hein. Ouais, mais c'est quoi la vision, en fait? C'est quoi le truc? Tu vois, moi, je pense que... Je sais pas. Pour votre branding, pour vous vendre, il y a moyen de trouver un bail, tu vois. Un truc à raconter, tu vois. En vrai, c'est tout. Je sais pas si on peut mettre de mots sur des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve vision, que quand tu regardes nos clips, genre, par exemple, on t'en montre 5, on t'en met, je sais pas, 2 qu'on a fait. Je pense que tu vas reconnaître. Par rapport aux lumières, comment la manière dont on les utilise. Voilà. Il y a des plans. Il y a des si... plans récurrents, tu vois aussi des là, choses c'est comme des ça. Réponses, même si je suis pas forcément d'accord, mais là, c'est des éléments de réponse, tu vois. C'est ok. C'est dans ce ça me voilà. Ok. Bon, bah moi je vais donner mon avis du coup, parce que je suis complètement extérieur à votre discussion là. Ouais, bah, vas-y, rentre. Pour moi, là je regarde dans tous les réalisateurs du coin, déjà c'est la seule équipe où ils sont plus de 2. Bien sûr. C'est la seule équipe où ils sont plus de 2. Donc ça veut dire déjà, il y a, comme ils disent, il y a 2 monteurs. Il y a un mec qui s'occupe un peu de la communication, tu vois. Bien sûr. Ça, tout le monde ne l'a pas ici en tout cas, tu vois. Ici. On connaît hein, tous ceux qui... Voilà, moi je prends par exemple, je prends Gras, le mec c'était un couteau suisse, il faisait tout seul, il te lançait le son, tu vois ce que je veux dire, après il tenait la caméra, tu vois. Et ça par exemple, ici, on l'a pas ça, tu vois. Donc je pense que ça, vous quand vous arrivez aussi avec votre bagage vers les gens, vous pouvez dire, ben nous déjà on est une équipe, tu vois. Pas tout seul moi à faire mon clip, ça. Tu vois. Souvent c'est un élément de réponse, voilà. Tu vois les grosses réalisations et tout, tu regardes, c'est des grosses équipes, des trucs bien comme sûr, ça. Nous on a une bonne base, tu vois. Ouais. Parce que déjà on est tous, quand on est sur un clip, déjà on y va à 3. Mm-hmm. Tu vois, on y va à 3. Donc déjà, c'est un peu bizarre, mais il y a 3 cerveaux, tu vois, qui sont sur le lieu. Donc déjà t'as 3 avis qui sont en plus sur le lieu, en plus de l'artiste. Mm-hmm. Et donc t'as 3 visions, si tu vois. Non, ouais. T'as 3 visions, donc... On peut aller un peu plus loin, tu vois, chercher sur des plans différents, essayer de creuser. Et voilà, c'était... Ok, Ok. C'était pas juste. Là, on est. Enfin, si on a fait cette émission, c'est pas pour descendre les mecs. Ah, mais t'inquiète, il y a pas. J'ai déjà été beaucoup plus loin dans ce que je dis. Mais c'est, on essaye de s'élever tous, tu vois. Ah, mais c'est le but, t'inquiète. Voilà, ouais, imagine demain, tac, tu te retrouves. Y a qui comme animateur radio un peu. Bah, tu te retrouves à Move en face d'un mec qui pique tout le temps là. Un balou là. Ils vont te poser la question, ils vont pas vous lâcher les mecs. Tu vois, mais je comprends.